Un œil en finir avec les ressources. Oui, j'avais pas envie de revenir, je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà entendu, lu à des questions de l'anthropocène, les questions que pose le concept ou le processus à la façon d'écrire l'histoire ou aux sciences humaines en général, et prendre aujourd'hui un angle plus proche de mes recherches empiriques à l'interface d'histoire des sciences et de l'histoire environnementale, sur les transformations conjointes des façons de connaître et de gouverner le vivant depuis le 19e siècle, et peut-être essayer de vous proposer une généalogie de la notion de ressources comme élément clé d'une cosmologie industrielle de notre écoumène, alors qu'on a vu que cette écoumène est bien plus complexe que ça et qu'il est relation. Il y aura deux mouvements. Le premier mouvement, c'est d'essayer de comprendre les effets culturels, presque anthropologiques, du basculement vers les énergies fossiles au tournant du 18e et du 19e siècle. Pour Adam Smith, la division du travail permettait un gain remarquable de production, mais elle impliquait que les producteurs spécialisés puissent stocker, comme il dit, « a stock of goods and of different things », avant de pouvoir se rémunérer par la vente de leur production particulière. Mais dans une économie organique, cet accroissement des choses est contraint par des limites matérielles et énergétiques. La force mécanique provient de l'énergie musculaire, humaine ou animale, de l'eau, du vent. Ces trois types d'énergie trouvent en dernier ressort leur source dans l'apport radiatif journalier du soleil. Par exemple, pour l'Angleterre, Wrigley a calculé que le couvert végétal du royaume fixait cette énergie solaire à hauteur d'à peu près entre 20 et 40 millions de tonnes équivalent charbon. Et donc, c'est dans la limite fixe, dans cette limite énergétique fixe, que se développaient les activités humaines, sachant qu'il faut à peu près 4 hectares de forêt pour produire une tonne de fer, 2 hectares pour nourrir un cheval, et donc on avait une économie organique basée sur des énergies flux, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, à la source des énergies chimiques contenues dans les aliments, qui était donc une économie organique encastrée dans cette balance énergétique où tout surdéveloppement ou toute croissance importante d'un secteur pouvait affecter négativement les besoins d'autres secteurs. Par exemple, l'essor des forges et des verreries au XVIIIe entre en tension avec les besoins des communautés villageoises ou des urbains pour le bois de chauffe, ce qui est un problème politique dans le cas des urbains. Si le bois devient trop cher, ça menace la qualité, la docilité de la force de travail. Et l'Europe de l'Ouest, à la fin du XVIIIe siècle, connaît une grave crise forestière, après plus de 2 siècles de recul des forêts. Et cette crise forestière est source à la fois de tensions, de crises écologiques, avec des craintes articulées par des savants et des politiques de l'époque d'un dérèglement climatique global, et en même temps générait des tensions sociales autour de l'accès aux ressources forestières, avec des guerres autour des forêts défendues en tant que commun par les villageois, les guerres des demoiselles en France dans le premier tiers du 19e siècle, etc. Et j'ai une petite citation d'un forestier qui était un défenseur de la forêt, François-Antoine Roche, en 1802, qui en appelle alors au charbon fossile comme la solution, on pourrait dire aujourd'hui la technologie verte, aux problèmes forestiers et climatiques de l'époque. Il dit que la sonde des fouilles, dirigée par des mains habiles, parcourt dans nos coteaux et nos vallons pour découvrir ces secrets dépôts que la nature y a mis dans ses convulsives agitations pour adoucir notre détresse. Les recherches de ces vieux végétaux enfouis, c'est le charbon, sous les décombres de la terre, conserveront ceux qui partent sa surface. Donc exploitons le charbon souterrain pour sauver les forêts. C'est le mot d'ordre de nombreux auteurs, et notamment des forestiers et des naturalistes à l'époque. Et par exemple, on crée l'école des mines de Paris en 1783, au moment où le prix du bois de chauffe atteint des records dans la capitale, où le mécontentement gronde. Donc il y a voilà, c'est une dimension à la fois environnementale et sociale dans ce basculement vers le charbon fossile. Et dans le cas de l'Angleterre, qui est en avance de plusieurs décennies dans le basculement énergétique sur l'Europe continentale, c'est à peu près en 1810, pour la France ça sera plus tard, que la consommation de charbon du pays dépasse les 20 millions de tonnes qui sont apportées par la biomasse. Donc c'est en 1810, on pourrait dire, qu'on a une source d'énergie majoritairement fossile dans l'économie britannique, qu'on sort de cette économie organique qui était limitée dans cette limite étroite des apports du soleil et de la capture de cette énergie par les plantes. Alors là où je veux en venir aujourd'hui, c'est pas le basculement d'un capitalisme mercantile à un capitalisme industriel, ce que certains ont appelé, certains marxistes comme Malfatter ou Malm, le capitalisme fossile, c'est que ce basculement matériel de base énergétique, d'énergie flux à des énergies stock, a aussi, parallèlement, favorisé des transformations culturelles, une mutation des représentations de la nature et de la terre, qui va avoir notamment pour effet de nous embarquer dans ce dualisme, de renforcer ce dualisme qui est à la fois ontologique, temporel et cinétique, je vais vous parler, entre nature et culture. Alors, avec le charbon, on a une énergie stock qui vient d'un autre temps, qui est accumulée par une histoire de la Terre extrêmement longue, donc qui n'est pas produite dans le quotidien des activités humaines, temporellement, ni géographiquement. L'activité d'extraction minière se passe en dessous du théâtre habituel de la vie humaine. C'est une activité spécialisée qui ça donne l'impression qu'on a un charbon qui est le Deus ex machina, qui nous est offert de l'extérieur, d'un temps immémorial, qui est un stock préexistant, comme un cadeau providentiel. Il y a la théologie naturelle qui explique ça, finalement, c'est un don de la nature à utiliser par les humains. Par exemple, Jean-Baptiste Say, un économiste libéral de l'époque, dit « Heureusement que la nature a mis en réserve, longtemps avant la formation de l'homme, d'immenses provisions de combustible dans les mines de houille, comme si elle avait prévu, c'est là où il y a le providentialisme, que l'homme, une fois en possession de son domaine, détruirait plus de matière à brûler qu'elle n'en pourrait reproduire. » Donc la nature ayant prévu l'imprévision environnementale des humains a fabriqué des énergies fossiles disponibles. On a là une espèce d'avatar naturel du fétichisme de la marchandise qui émerge avec cette notion de ressource naturelle qui est déjà préexistante et qui se présente comme telle, comme intrinsèquement une richesse ou une ressource utilisable par les activités humaines. Et on va avoir des métaphores du genre des reliques pour désigner le charbon, les reliques d'un monde ancien, des dépôts, des magasins de la nature. Voilà, ces métaphores-là qui vont être reprises et analysées par Heidegger dans sa critique de la technique, hein, de cette idée de la nature comme magasin, se forgent dans ces premières décennies du 19e siècle. Du coup, le fait de dire le charbon vient d'un temps très ancien, il est préexistant comme un stock statique que nous rencontrons aujourd'hui, participe à une dissociation temporelle du temps de la Terre et du temps des humains. Jusqu'au 18e, jusqu'à un peu avant Buffon, on pensait que la Terre avait à peu près 6000 ans et il y avait une sorte de commensurabilité et de relation, de coévolution entre l'histoire humaine et l'histoire de la Terre. Et puis la géologie allonge le temps de la Terre et du coup il y a quelque chose qui devient incommensurable entre ces deux histoires qui participent, cet allongement du temps géologique participe à l'idée d'une nature extérieure par une sorte de disjonction temporelle. Alors, bon, je vais, évidemment, je suis obligé de simplifier un peu. Alors, ça aussi une fonction rassurante. Puisque la Terre est tellement gigantesque, qu'elle existe depuis tellement longtemps avant nous, qu'elle nous a laissé des dépôts tellement énormes, que ça participe à la marginalisation des alertes. Il y a déjà des débats sur pour combien de temps il y aura du charbon, il y a de la littérature énorme autour de 1810. Mais il y a l'idée d'un immense réservoir qui est là depuis tellement longtemps avant nous. Il y a l'idée que l'atmosphère est tellement grande qu'elle va absorber notre gaz carbonique. C'est parce que Babbage, déjà en 1832, il se demande, tiens, dans la combustion de la machine à vapeur, on transforme du charbon solide en un gaz, l'acide carbonique. Que devient ce gaz? Comment il est recyclé, on dirait aujourd'hui, par la nature? Il ne trouve pas de réponse, mais il se dit, la nature est tellement vaste qu'elle doit bien trouver un processus, l'homme est tellement petit qu'il ne peut pas perturber la nature. Donc il y a quelque chose de rassurant par rapport à ce qu'on appellerait aujourd'hui la disruption du cycle du carbone. Et on se rassure grâce à cette grandeur et cette caractère extérieur de la nature et de la Terre. Du coup, c'est le moment où l'économie va pouvoir externaliser la question la finitude de la planète en disant finalement, on va laisser... comme dit Jean-Baptiste Say, l'étude des richesses naturelles aux savants qui s'occupent des choses naturelles, et nous les économistes on va s'occuper des choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est les choses qui ont un prix, et donc la nature, la question de sa finitude sort du cadre de la pensée économique. Comme dit Jean-Baptiste Say, les richesses naturelles sont inépuisables, ne pouvant être multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Et là on en prend pour 2 siècles à peu près d'externalité de la nature dans l'économie. Alors, il y a une autre dimension qui arrive avec finalement l'hégémonie des énergies fossiles, des énergies stocks, c'est que les énergies flux sont variables dans le temps. Le vent peut s'arrêter, le meunier ne peut pas travailler. L'âne peut être récalcitrant et refuser de tirer le semoir. L'ouvrier peut faire grève, ne pas venir, etc. Et finalement, avec le charbon, on a quelque chose qui peut se stocker assez facilement. On peut avoir un gros stock de charbon à côté de la machine à vapeur et régulariser la production et rentrer dans ce que... les historiens ont appelé le temps industriel, hein, le temps régulier, rythmé par les horloges des gares, les horloges en haut des usines, etc. Du coup, ce qu'on perd dans ce temps régulier, dans ce temps industriel, c'est la relation de négociation qu'on avait avec les énergies flux. Hein, et donc, cette relation passe au second plan. Je vais terminer sur cette première partie en signalant que donc c'est de ce basculement-là que vient la notion de ressources, qui devient omniprésente au XIXe siècle, les ressources naturelles. Le mot ressource existe auparavant, on le trouve dans les dictionnaires du XVIIe et du XVIIIe siècle notamment, mais il veut dire quelque chose de dynamique. La ressource, c'est quelque chose qui ressurgit, un peu comme la résurgence d'une rivière à l'air libre après qu'elle ait été souterraine. Comme un buisson qui repousserait après qu'on l'ait taillé. Il y a quelque chose de profondément dynamique et organique dans l'acception du terme de ressource au XVIIe et au XVIIIe, qui bascule complètement au XIXe, où la ressource devient quelque chose qui est statique et qui est de l'ordre du stock. Donc, Heidegger a considéré que ce regard de la nature comme stock inerte était caractéristique du rapport de la technique au monde et que ça instituait une rupture. Et dans son sillage, un autre philosophe allemand, Peter Sloterdijk, a parlé d'un nihilisme cinétique de la modernité industrielle. C'est-à-dire que c'est une vision du monde dans laquelle la nature ne bouge pas, où elle bouge tellement lentement à l'échelle des vies humaines qu'on peut la considérer en approximation comme statique. Et donc, la nature ne bouge pas par elle-même, elle est quelque chose que seul l'humain peut mettre en mouvement. c'est ce qu'il appelle le nihilisme cinétique. Donc on a finalement trois grandes coupures qui sont instituées, la coupure ontologique nature-culture que Philippe donc il a raconté toute la généalogie dans Parle de la nature et culture, la disjonction temporelle avec le temps de la Terre disjoint du temps des humains, et une disjonction cinétique avec un monde naturel, une terre, un vivant qui est statique versus une humanité qui est mobile. Ce qui m'intéresse dans un deuxième temps, c'est le moment où cette cosmologie, où cette représentation, cet alignement du rapport à la nature sur la cosmologie industrielle, finalement, bascule vers le vivant, vers les ressources renouvelables, justement, qui sont, elles, dynamiques. Donc comment on a utilisé la catégorie d'abord mise en place sur les ressources minérales au XIXe siècle pour comprendre et gouverner le vivant au XXe siècle. J'ai combien de temps? Si j'ai 5 minutes, je vais... 5 minutes. Bref. Ouais. D'accord, ça. Il y a deux moments intéressants dans cette histoire-là. Le premier, c'est le moment des discours coloniaux sur la mise en valeur du monde. On a déjà une très grande réflexivité et une production de discours, de savoir, de dispositifs sur comment bien gérer la planète entière à cette époque-là, de la part des élites des empires coloniaux britanniques, français, allemands, états-uniens. Il y a un livre qui sort en 1911 qui s'appelle « L'exploitation rationnelle du globe ». Donc on a un discours du bon usage de la Terre entière dans l'ensemble de ses fonctionnements. Et dans ce cadre-là, on a un discours sur la Terre comme ressource, comme un ensemble de richesses qui sont des ressources, mais que malheureusement, la nature, au cours de son histoire, a mal réparti. Un peu de façon aléatoire, etc. quoi. Et malheureusement, il y a beaucoup de richesses qui sont dans les tropiques, dans les régions peuplées par des peuples moins avancés que les Occidentaux, qui sont un peu barbares ou un peu sauvages, et qu'il s'agit de coloniser de façon à mettre en valeur d'une façon rationnelle les ressources qui sont sur leur sol. Donc, dans ce processus-là, la catégorie de ressources est centrale dans ce discours de légitimation de la colonisation qu'on va trouver chez des théoriciens comme Kidd, le Britannique, The Control of the Tropics en 1898, comme Albert Sarrou en France, comme Lord Lugard en Angleterre, des théoriciens belges. Vous prenez les 8 plus grands théoriciens de l'impérialisme européen, vous allez trouver des pages où il est question des ressources et du droit de l'homme blanc, du fait qu'il possède la science, de développer les ressources de ses autres territoires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une totalisation à travers la catégorie de ressources, des ressources comme un bien public mondial. Ça permet une montée en généralité vers une fabrication des ressources qui sont des choses locales, avec des attachements sociaux et écologiques, deviennent une catégorie abstraite, mondiale. Et en face de ça, il y a l'humanité comme deuxième universel, et il y a la thèse que l'humanité a le droit d'accéder à l'ensemble des ressources de la planète. Donc un discours qui a l'air comme ça de tout à fait juste, qui est mobilisé par Sarrou, Kidd, etc., pour justifier le colonialisme. Et la notion de ressources, c'est une des choses qui m'intéresse en ce moment, joue une place conceptuelle assez importante dans ces discours impériaux. Le deuxième élément de présence de la question de ressources dans nos cosmologies du XXe siècle, je dirais, c'est la naissance de la génétique. Ce qui est frappant, c'est que fin XIXe siècle, la biologie est usculienne, on pourrait dire. En tout cas, elle est relationaliste dans son matérialisme et dans son réductionnisme même. Il y a quelque chose de profondément matérialiste et mécaniste dans physico-chimique, dans la biologie du XIXe siècle, Haeckel, etc. Mais dans ces conceptions-là, il n'est pas possible qu'un objet biologique A puisse transformer, avoir une action causale sur un objet biologique B sans être transformé lui-même. C'est une hérésie dans la biologie de la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, notre vision du vivant est informationnelle. On pense qu'il existe des entités discrètes qui s'appellent des gènes, qui sont stables, même si c'est remis en question depuis quelques décennies, hein, mais c'est le paradigme du XXe siècle, qui sont capables, tout en restant stables et sans se transformer eux-mêmes, d'avoir une action à distance sur le reste du vivant, la cellule, le cytoplasme, le phénotype, etc. Et on a tout un ensemble de dualités entre noyau, cytoplasme, organisme, environnement, génotype, phénotype, qui se constituent à ce moment-là et qui reproduisent toute une série de dualismes. Ce qui m'a intéressé, c'est un travail un peu récent qui est de mon HDR, que j'ai soutenu il n'y a pas longtemps, donc ce n'est pas encore beaucoup publié, c'est d'essayer de relier ce mouvement de sortie d'une vision relationnelle du vivant vers une vision informationnelle, d'une action à distance en train de transformer. C'est pour ça que les biologistes de la fin du 19e ne comprenaient rien à main d'elle, hein, c'était bien montré par Le Nay, c'était hérétique ce rien. Et quelque chose qui est hérétique dans les années 1860-70 devient majoritaire et hégémonique dans la biologie du début du XXe siècle. Pourquoi ? Ma thèse que j'ai essayée, qui m'a semblé fumeuse il y a 3 ans comme une petite hypothèse et qui me paraît maintenant assez solide avec les sources, les archives, etc. que j'ai explorées, c'est que la génétique est la fille de la deuxième révolution industrielle. Et la deuxième révolution industrielle, c'est évidemment l'électricité, de nouveaux secteurs économiques et énergétiques, mais c'est aussi une transformation des pratiques d'organisation des collectifs. Vous connaissez l'organisation scientifique du travail, mais plus généralement, à partir des années 1880, c'est ce qu'on appelle le systematic management, cette transformation de la façon d'organiser le travail dans l'atelier et dans le bureau. Rattachant l'information à des lieux centraux qui sont gouvernés et qui ont action à distance sur le reste du fonctionnement de l'entreprise. C'est l'invention des fichiers verticaux, des fiches cartonnées, d'abord dans le monde des bibliothèques, puis dans l'ensemble des activités de bureau. Et cette fiche cartonnée discrète qui peut circuler d'un fichier à un autre, etc., est une forme de discrétisation, de déshistoricisation et de décorporéisation de l'information. Et donc l'information échappe au corps et à l'esprit du travailleur individuel en tant qu'activité pour devenir quelque chose de discret et de statique qui est pilotable par le manager, etc. Et finalement, le gène de la génétique moderne du XXe siècle est l'équivalent de cette mutation informationnelle qui a traversé toutes les grandes organisations. Et du coup, c'est pas tout à fait par hasard si on retrouve aujourd'hui cette conception-là jusque dans les façons par lesquelles on pense pouvoir gérer, conserver la biodiversité. Dans l'article 1, et j'ai terminé, dans l'article 1 de la Convention pour la diversité biologique, je vous le cite, donc de 1992, il est dit: les objectifs sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ces éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques, un transfert approprié, etc. etc. Donc il s'agit de protéger la nature en valorisant ces éléments. Donc la nature est considérée comme un objet ou un ensemble d'objets à conserver en tant qu'élément discret et relativement statique. Il y a des évolutions dans l'écologie des dernières décennies, mais on pourrait en discuter en discussion. Je serais prêt à tenir une discussion sur le fait qu'une notion plus récente qui est émergée dans les années 2000 de service écosystémique, qui en apparence est plus dynamique, plus complexe, héritée non plus de cette vision de la génétique des années 1900, mais plutôt de l'écologie odoumienne d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le tournant un petit peu fonctionnel du regard sur le vivant, malgré tout, est héritier de cette discrétisation et mise en état statique du vivant dans les cosmologies industrielles, notamment parce qu'on a des dispositifs de compensation écologique dans lesquels des écosystèmes sont découpés en unités de compensation qui sont considérées comme discrètes, empilables, etc., qu'on peut déplacer ailleurs Il y a des unités dans le site de Notre-Dame-des-Landes où on va faire un aéroport et on dit, bah voilà, il y a tant d'unités de compensation dans ce projet et on va les compenser en améliorant un petit peu la gestion des prairies à tel endroit, etc. Et donc, là, on pense qu'on va pouvoir reconstituer des équivalents fonctionnels de la nature du point A dans un point B. Et donc, il y a ce même processus de mise en commensurabilité en unité discrète, ce que Marx appelle la production de marchandises qui est à l'œuvre. Et il semble que finalement tout un enjeu pour la pensée écologique ou les luttes écologiques aujourd'hui, finalement, c'est de lutter contre cette cosmologie industrielle du vivant, mettre en crise ce paradigme. Ce qu'on voit avec la montée de la question du bioculturel, c'est-à-dire que la diversité n'est pas que biologique, elle est coproduction avec les activités humaines, avec la montée de processus et de mouvements sociaux qui se revendiquent de la conservation participative ou de la sélection participative, en France le réseau Semences Paysannes, etc. On a des formes de réappropriation d'un rapport au vivant comme un vivant dynamique, un vivant dans lequel on assume une relation de compagnonnage. Et pas seulement dans des sociétés non occidentales qu'a étudié Philippe Descola, mais y compris au cœur de nos sociétés occidentales, il y a cette revendication de reconstruire un lien relationnel et de compagnonnage aux êtres vivants. Voilà. Merci. Alors, comme nous l'avions prévu, donc peut-être une dizaine de minutes de discussion, des questions de votre part, et puis on prend une petite pause pour procéder ensuite à l'audition des trois intervenants suivants. Est-ce qu'il y a déjà une question à poser? D'abord, on va dire à Augustin Berck, et puis ensuite à Christophe Bonneuil. J'ai une petite question à Augustin. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par corps médial, dans la mesure où tu montres bien qu'il y a co-suscitation entre le cosmos et le soma, bon, tu reprends les termes grecs, mais par corps médial, est-ce que tu entends le soma? Et si c'est bien le cas, qu'est-ce qu'il en est du cosmos et des modifications qu'entraînent sur le cosmos nos propres activités? Alors, j'ai peut-être mal compris. Hein. Oui, corps médial, c'est une expression inspirée de l'expression de Leroy Gourhan, corps social. Chez Leroy Gourhan, le corps social, il est constitué par les systèmes techniques et les systèmes symboliques qui ont été extériorisés à partir du corps animal. Donc, en principe, ils sont extérieurs. Du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire le point de vue de mésologie, ça n'est pas simplement un corps social, parce qu'il s'inscrit nécessairement dans les écosystèmes. Il est donc pas seulement techno-symbolique, il est éco-techno-symbolique. Et c'est ça que j'appelle corps médial. Donc, c'est la même pensée de base, mais qui ajoute la dimension écologique, sous-estimé dans l'expression corps social. Donc, ça n'est autre que notre milieu. Le corps médial, ça n'est autre que notre milieu. Mais là, pour le corps médial, tu garderais la dénomination grecque ou l'équivalent grec de soma? Non, parce que, non. Justement, soma, je le garderais dans le sens de corps animal. C'est pour ça que, bon, le cosmos, qui est la mise en ordre de l'environnement par une certaine façon, le cosmos, c'est très près de milieu, en fait. Hein. Le retour de ce cosmos, c'est-à-dire la somatisation du cosmos, la somatisation du corps médial, ça transforme le corps animal, c'est-à-dire vraiment le soma. Donc, somatisation, je l'emploie dans le sens ordinaire, hein, quand on parle de somatisation. D'autres questions? Oui, compris. J'ai une question pour Christophe. C'est dans cette question de, je dirais peut-être, de compétition des discours qu'on est au XIXe siècle, qui vous montre très bien qu'effectivement, il y avait déjà une critique des ressources et cette vision va se confier. Et que finalement, ces discours organicistes avec lesquels on a disparu, on a perdu en fait. Ma question, c'est où se passe cette compétition de discours? Et comment ça, est-ce que c'est par rapport à nous, aux scientifiques, chercheurs? Est-ce que ça s'est passé dans les universités, dans des écoles, donc dans les lieux de pouvoir? Au XIXe siècle, est-ce qu'on peut savoir à peu près où s'est fait le basculement? C'est-à-dire, le discours, voilà, la géologie qui tout d'un coup permet de penser, de se rassurer, c'est dit, voilà, on a permis d'être rassuré, donc ça permet d'avoir ce discours dominant. Actuellement, où est-ce que ça se passe aussi? Où est-ce que ça pourrait se passer? Alors, une limite de l'entrée par l'histoire des sciences, c'est de se restreindre aux arènes savantes, alors que ces tensions et ces conflits se retrouvent sur tout un ensemble de territoires et de luttes qui sont aujourd'hui étudiés par un champ qui s'appelle la political ecology, par exemple, où on peut voir des tensions entre à la fois des usages différents du territoire et du milieu et des savoirs qui sont en rapport de force, de domination des uns avec les autres. Il y a quelques études par en bas. Dans l'histoire de la médecine, il y a eu toute une littérature de l'histoire de la médecine par en bas qui existe. Dans le cas des études de l'histoire environnementale, c'est un peu moins fréquent, mais on peut trouver ça dans la thèse qui est devenue le livre de Jean-Baptiste Fressoz, L'Apocalypse joyeuse, où il y a notamment une très belle étude de cas sur une bataille autour de l'exploitation d'algues, du varech, dans je ne sais quelle zone du nord de la Bretagne, si je me souviens bien, avec des acteurs industriels qui cherchent à faire des prélèvements exagéré par rapport au système de gestion des communs par les populations locales, et où du fait du conflit, on va dépêcher des savants de l'Académie des sciences pour aller expertiser la chose, et ils vont produire un certain type d'expertise naturaliste qui va renforcer le point de vue et les intérêts des acteurs industriels face aux acteurs populaires, on peut dire. Et bon, il y a aussi tout un courant de l'histoire environnementale qui part en bas, qui se relie avec ce que Juan Martinez Allier a appelé l'écologie des pauvres, et donc l'histoire des luttes environnementales, qu'on étiquette aujourd'hui comme environnementales, mais qui sont la défense de peuples ou de groupes sociaux pour conserver leur accès à ces éléments et ces processus du milieu qui soutiennent leur vie quotidienne, les communs, etc. Et là, il y a des histoires sur les résistances de communautés en Inde à la rationalisation de la foresterie par les forestiers coloniaux au 19e siècle, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. D'autres questions? Oui, je vous en prie. Je voulais savoir si vous avez un positionnement sur une connaissance par rapport au courant de l'éco-psychologie, qui est un courant qui vient plutôt issu du monde anglo-saxon et qui postule cette réarticulation entre une hybridation homme-nature, enfin, en tout cas de l'homme et de son milieu, et qui propose notamment dans le cadre du réchauffement climatique, une lecture finalement moins catastrophiste en termes de bilan, mais en termes de c'est une posture qui permettrait justement, au-delà des solutions techniques et descendantes, de proposer une autre relation à l'étendue terrestre que celle qu'on a aujourd'hui. Et c'est peu connu en France, il me semble, et il y a un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Soigner l'esprit, guérir la terre », je crois. Et je voulais savoir si vous vous positionnez par rapport à ce courant-là. Je connais peu, je trouve ça très intéressant, mais je pense que c'est plutôt quelque chose pour Augustin, parce que toute une partie de cette éco-psychologie est d'inspiration phénoménologique. Mmh, ouais, tout à fait. Il y a un très beau livre de Fisher, Radical Eco-Psychology, ouais. Qui est très husserlien, Merleau-Pontien. Enfin, c'est une tentative de rompre avec ce qu'il pouvait y avoir de dualiste chez Freud. Freud, dans Le malaise de la culture, attaque Romain Rolland, qui parlait d'un sentiment océanique, les moments dans lesquels, où en regardant un paysage, on se sent complètement pris dans un tout et complètement en appartenance et en relation avec le monde. Freud dit « ça, c'est infantile ». L'adulte se constitue comme sujet séparé, etc. Et donc, on pathologise le sentiment cosmique ou océanique. On le considère comme un stade infantile et donc qui ne relève pas de la partie la plus importante de la psychanalyse. Et c'est probablement quelque chose que la phénoménologie va contester. Et donc, ça, c'est plutôt ton domaine, peut-être, Augustin. Oui, évidemment. Des points communs, des chevauchements. Eco-psychology, ça ne va pas assez loin du point de vue et ontologique et logique, du point de vue de la mésologie. Voilà, mais il y a évidemment des rencontres.